Je peux dépasser le camion si je prends la première voie ? Oui, réponse A. Non, réponse B. La deuxième voie ? Oui, réponse C. Non, réponse D.